aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et aujourd'hui, je suis avec Eve. Bonjour, Eve. Bonjour. Et je suis aussi avec Victor. Bonjour, Victor. Salut, salut. Et malheureusement, nous ne sommes pas avec Stéphane, qui, je sais, avait très envie de parler de ce film aujourd'hui, mais il n'a pas pu être là, alors on lui fait des bisous quand même. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce qu'aujourd'hui, on vous présente un film sur une meuf robot réalisé par un gars qui avait déjà fait un film sur un mec requin et une fille en feu. On vous parle d'Alita. Je t'avais demandé de rentrer avant qu'il fasse nuit. J'ai pas vu le temps passer. Alita, il faut que tu sois responsable. Tu es quelqu'un d'unique. Hé, hey, toi! Tu n'es pas une fille comme les autres. Quoi, y a un problème? Tu te souviens pas? De quoi tu parles? Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut. C'est que je vaux pas grand-chose, alors. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Non ! Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis. Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça ne dépend que de toi. Titre québécois, Alita l'ange conquérant. Je trouvais ça, ça claque. Important. C'est carrément stylé. J'aurais kiffé payer ma place au duplex et dire « Salut, je veux une place pour Alita, l'ange conquérant. » Donc ça veut dire que les Québécois ont gardé le nom Alita. Ouais. Enfin, nous, on l'a gardé par défaut, mais dans le manga, on l'a pas gardé. Mais on verra ça. Aux États-Unis, c'est aussi Alita. Oui, dans le manga, c'est ils ont traduit Alita. Réalisé par Robert Rodriguez, scénarisé par James Cameron et Laeta Kalogridis, produit par James Cameron et évidemment adapté du manga Gunm. Merci Eve, désolée. de Yukito Kishiro, un manga de 1990, avec au casting Rosa Salazar dans le rôle de Alita, Christoph Waltz dans le rôle de Dyson Ido, on en reparlera aussi, Jennifer Connelly, Mahershala Ali et un mec ado blanc avec des cheveux bruns, je me souviens plus de son nom. Ah, c'est Timothée Chalamet, c'est ça. J'aimerais bien, mais non. Budget de 170 millions de dollars, c'est assez stylé. J'ai pas le box-office, mais à mon avis, ça doit être pas mal non plus. Qui voudrait bien nous raconter l'histoire de ce film ? Eve ? Ah, je le savais qu'elle était pour moi, celle-là. eh bien, on est... alors, je n'ai plus l'année exacte, mais on est quand même dans plusieurs siècles à partir de maintenant. Dans le futur. Donc, en 2500 et quelques, ou 2600, enfin, dans ces eaux-là. Donc, on retrouve un petit monsieur qui s'appelle donc Dyson Ido dans la version du film, mais qui, en fait, s'appelle Daisuke Ido dans Gunm, dans le manga. Qui retrouve donc qui chine hein, un petit peu dans... il récupère des petites pièces dans une énorme décharge et en fait il trouve une tête accompagnée de son buste d'un cyborg qui apparemment est en vie. Donc du coup il se donne pour objectif de lui donner un corps et donc va reconstituer justement le corps de Alita, donc il la nomme comme ça. Car elle est amnésique et donc toute son aventure finalement dans le film ça va être déjà de comprendre d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle fait là et tout en découvrant le monde qui vit sous Zalem, donc qui est cette cité magnifique qui est dans le ciel et qui est vraiment l'objet de beaucoup de convoitises. Ouais, c'est un peu le monde des riches versus le monde des pauvres en bas. Comment il s'appelle le monde de eux en français, je me souviens plus. Le monde des riches. C'est... Non, le monde où vit Alita et Dyson et tout. Alors j'ai oublié, mais en anglais c'est le Scrapyard. On y reviendra. On va d'ailleurs peut-être vous apprendre des trucs. On va faire des petites comparaisons par rapport au manga parce que Eve a lu les trois premiers tomes. Moi j'ai lu le premier, donc oui, j'ai pas eu le temps de me mettre à jour pour en parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Victor, comme Eve est occupée à chercher? D'abord, bien... j'ai une question. Est-ce que tu connaissais le manga avant ou pas ? Oui. Ben en fait, Alita Battle Angel, c'est quand même un peu le. Ça a été l'Arlésienne Oh. de Très jolie James Cameron, comparaison. en fait. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire. Moi, je me souviens qu'en 2003-2004, je lisais Picsou Magazine et on lisait des news déjà Ah ouais, ça remonte à loin, sur quoi. James Cameron qui voulait réaliser ce projet, cette Ouais. adaptation de Gun. Et bah, plus rien. Hein. James Cameron, il a créé sa petite planète. Sa petite planète avec ses schtroumpfs qui ont grandi en 2009. Il a tenté de révolutionner le cinéma avec une technologie qui est déjà passée, qui est déjà has-been. Et bah, là, on le retrouve à la barre d'une super production. Et réalisé par Robert Rodriguez, donc bon, c'est un petit peu casse-gueule hein, de se dire ouais, Robert Rodriguez, le mec qui c'est un peu le Steven Seagal du cinéma d'exploitation, du cinéma greenhouse, hein, il a enchaîné les navets, Oh, je te permets pas. les navets ou les nanars de qualité assez discutable. On en reparlera après. J'ai hâte de. Je suis curieuse de savoir pour toi lesquels de ces films sont des navets à tes yeux. Ah mais on va pas, on va On en sortir les gants de reparlera après. boxe. Ouais, peut-être. Mais alors du coup, qu'est-ce que je pensais du film? Ben c'est une très bonne surprise. J'ai kiffé ma séance d'Alita. En fait, j'ai eu l'impression de voir un film qui aurait été que James Cameron réalisait, sauf que tu rajoutes une faut me le voir faire comme dans le générique des Super Nanas, genre Tu rajoutes une pensée de voilà ouais une pincée et plein de de bonnes choses. voilà une pincée du cinéma de Paul Verhoeven pour rendre subversif la science-fiction. Une pincée de grand n'importe quoi avec l'aspect Rodriguez, Les robots un peu à la Spy les Kids et tout, moi j'aime bien. robots à la Spy Kids où t'as l'impression de voir Stallone dans Spy Kids 3, Meilleur moment du cinéma. le sosie de Sam Elliott qui dirige des chiens robots. Bah oui. Donc voilà, moi j'étais genre, tiens, il y a des chiens robots, donc comment ne pas aimer ce film? Et puis surtout, là, le côté rollerball du truc, hein, Ouais, c'est chambé ça. on parle de sport futuriste, le sport du futur, Le motorball. et le motorball, qu'est-ce qu'on kiffe ces scènes de motorball, Elles hein, sont c'est, elles sont... super, elles sont trop bien. Moi, il y a un autre truc qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est le personnage en fait Oui. d'Alita que je trouve. J'avais super peur qu'on se trouve vraiment avec le prototype de l'héroïne qu'on a tendance à faire à Hollywood maintenant. Oui, mais sauf que c'est comme c'est pas Hollywood qui a créé le personnage, Voilà, mais c'est. Hollywood, bah, on ressent quand même une patte Ouais, hollywoodienne et mais. Ouais. industrielle au film, donc Oui, c'est clairement. le côté très young novel, c'est ça qu'on Ouais, dit, très. très Hunger Games, Ouais, très, donc c'est c'est très un les peu méchants, aseptisé, conceptuel. Pas méchants, conceptuel, les méchants du monde d'en haut consensuel. qui veulent se battre contre les gentils du monde d'en Ouais, c'est bas. ça. Voilà, et donc on se trouve ces petits trucs, mais le film est centré sur Alita et on évolue, en fait, le film évolue, nous on évolue à ses côtés. On découvre le monde avec une certaine candeur, hein, genre elle bouffe une orange, voilà, et du chocolat, J'ai des elle dit que questions. c'est. J'ai des réponses. Je suis pas sûre. Elle dit que c'est la meilleure chose du monde, voilà, on apprécie ce côté un peu niais du truc, et petit à petit, le film devient étrangement assez violent. Ouais, assez dark. C'est Comme le manga au tout final. public, mais avec un avertissement, et ça se comprend parce que des têtes coupées. Ouais. Des bras qui se font enlever au calme. Bon, ok, c'est des robots, mais c'est Oui. quand même Et violent. encore, Des j'ai des démembrements. observations pour les démembrements par rapport au manga, Ah, justement. oula, J'ai ok. de jolies comparaisons. Tu trouves que c'est violent? Attends, t'es pas prêt. C'est ce qu'on disait, comme c'est un remake américain, c'est beaucoup plus aseptisé ouais. pour le grand public. Mais tu c'est moins violent mais que le manga. Mais ça fait mal. Déjà. Oui, ça fait déjà. Mal, mais parce que c'est Robert Rodriguez qui fait Sin City quand même. Bah, il a fait Spy Kids 3, t'avais pas. Il y avait des choses beaucoup plus violentes dans Spy Kids. Quand t'es gamin que tu regardes Spy Kids, je peux dire t'es comme ça. C'est violent pour les yeux, d'accord. Je te permets pas. Eve, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors déjà, j'ai trouvé le nom qu'on cherchait. Donc en fait, ah oui. Bon, alors j'ai trouvé donc le nom japonais, mais il me semble que dans, moi je l'ai vu en VO le film, et il me semble qu'il le donne en japonais aussi le nom de l'endroit où il se trouve, c'est Kuzutetsu. Donc c'est le monde où ils vivent justement sous LM. Aussi appelé la décharge. Ah, en français, voilà, donc je sais qu'en anglais, c'était la décharge en anglais, du coup, dans oui, le manga, oui. mais dans le film, je ne sonnais plus. Non, voilà, donc c'est la décharge. Et donc, sinon, pour mon avis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai vu dans des conditions un peu particulières, ce film. J'espère que tu nous écoutes, parce que règlement de compte. Alors, petite dédicace, justement, à la personne qui m'a accompagnée, qui est un fervent adorateur de Gun, parce que c'est vraiment le manga de son enfance, si ce n'est son préféré. Et donc, vraiment, il a souffert pendant le film, parce que il était décidé à avoir une adaptation parfaite. Et ce qui n'existe pas cinématographiquement parlant, j'y arrive. Oui. Et donc du coup c'était très complexe parce que je ressentais tout ce qui n'allait pas. Enfin, à ses yeux. Ouais. Voilà, je ressentais ces moments où il souffrait. Donc je te fais des bisous. Hein. Courage, on s'en remet. Mais sinon, dans les faits, moi je m'attendais pas à une adaptation aux petits oignons et vraiment très très fidèle au manga, et au final ça a été bien plus fidèle que ce que je pensais. Mm-hmm. Si ce n'est que bon, il y a eu des ajouts, il y a eu des suppressions, il y a eu voilà, mais ça c'est normal. Il y a des arcs dans le manga qui ne sont pas respectés au niveau de la chronologie, mais je trouve que vraiment ça passe. Par exemple, le Motorball, il n'est pas introduit aussi vite dans le manga, mais je trouve que c'est vraiment pertinent de l'introduire mm-hmm. très tôt dans le film, parce que ça pose ne serait-ce qu'un contexte. Et donc du coup j'ai trouvé ça très appréciable. En fait j'ai trouvé que la plupart des modifications justement au niveau de la temporalité et aussi les petits ajouts ou les petites choses enlevées pour certains personnages étaient appréciables, sauf certains. mais ça peut-être qu'on pourra en parler plus tard justement maintenant. On peut en parler maintenant peut-être. Mais ça en fait moi je Toi, tu m'avais dit que ça t'avait vraiment embêté dans le film, la romance avec Hugo, qu'on appelle Hugo, hein, mais voilà, c'est une adaptation Hugo, de prénom également. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga, cette romance prend vraiment beaucoup de place également, mais elle n'est pas réciproque. Elle arrive plus tard aussi. Elle arrive après, bien sûr, parce qu'elle rencontre pas Hugo tout de suite. Mais dans les faits, elle est pas réciproque en fait dans le manga, et c'est peut-être ça qui vraiment m'a le plus gênée, parce que au final, ça change rien à l'émancipation d'Alita à la fin, hein, bien sûr. Mais je trouve ça dommage que voilà, ça y est, systématiquement, on fait du cinéma américain, et donc du coup, on se sent obligé de mettre un je t'aime, et voilà. Après, faut dire que c'est pas réciproque du côté d'Hugo, dans le sens où dans le manga, Hugo n'est pas amoureux d'Alita, c'est ça ? Bah en fait, elle est profondément amoureuse de lui, parce qu'elle admire les rêves qu'il poursuit, qui sont complètement occultés par le film, et c'est pas très grave, je trouve. Ouais. Dans les faits, si je me souviens bien, c'est elle qui l'embrasse, c'est elle qui lui dit qu'elle a des sentiments pour lui, mais jamais l'inverse. Ouais, lui est réciproque. Et donc c'est vraiment le fait d'inverser ça, et au final de donner ce pouvoir-là à Hugo qui m'a un peu embêté. Surtout qu'il arrive au bout de 10 minutes de film et il lui apprend la vie, quoi, et ça m'a un peu énervée. Et le pire, c'est que c'est pas vraiment un spoiler, mais au bout d'un moment, elle est énervée parce que Dyson, donc Christoph Waltz, donc son recréateur, si on peut dire. Ouais, en plus, elle est née depuis genre 10 minutes, son le mec qui débarque sur sa Dyson, c'est pas une marque d'électroménager. Ah, en plus. Bah voilà, elle est là, c'est un aspirateur. Mais en fait, je pense qu'ils l'ont juste appelé Dyson parce que ça se rapproche de Daisuke et ça s'arrête là. Ils sont dit que c'était rigolo, que ça va. Mais genre la meuf, Alita vient de renaître techniquement, mais elle vient de naître et 10 minutes après, il y a un mec qui débarque sur sa moto et qui est en mode hey, salut, je suis un beau gosse. J'ai une bécane. Tu m'as vu sur ma bécane avec mes lunettes. Cette moto, d'ailleurs, donc la personne qui est fan de faire des anecdotes sur mais tout. La moto, en fait, Hugo ne l'a pas dans mes souvenirs, mais par contre. Il a une trottinette. Cette moto existe vraiment dans le Gun, d'après ce qu'on m'a dit, mais elle arrive plus tard dans le manga. Et donc, du coup, pour un peu clore mon avis, j'ai trouvé que c'était un bon film d'action. Mmh. Enfin, vraiment, je me suis quand même éclatée. Les scènes de motorball, comme vous l'avez dit, sont incroyables. Et vraiment, moi, j'attendais justement ce dynamisme, cette action, le fait que ça s'arrête jamais, mais en même temps que ce soit bien chorégraphié. Ouais. Parce que c'est facile de faire des actions où ça s'arrête jamais, mais si au final, on comprend rien à la scène, c'est compliqué. Ouais. Mais là, moi, j'étais pas paumée dans l'action et tout. La musique du motorball, là, elle pour le coup, on se rejoint pour dire qu'elle est bien. Le reste de la musique m'a emmerdée, mais bon, ça, voilà, ça, c'est mon... Pardon pour les mots, les gros mots, on a le droit ? Oui, on a le droit. Ok. Mais sinon, en tant qu'adaptation, c'est correct. Ouais. C'est pas oufissime, mais franchement, c'est une adaptation correcte. Et moi, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se tiennent, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies, et je pense que vraiment, il y a un amour du manga derrière. Peut-être pas une passion à fond, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie intention de retranscrire quelque chose d'assez fidèle. Et donc, du coup, bon, je suis satisfaite de ma séance quand même. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, Jade ? Merci. j'ai pas détesté, j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé non plus. Enfin, c'est un bon film d'action, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit avant. Mais enfin, j'en ressors pas grandi quoi. Mais ça m'a donné envie de m'intéresser à Gun de ouf. Par contre, et je vais essayer de. Enfin, je vais lancer un mini débat qu'on va clore très vite parce que c'est une pente très glissante. Parce et va je dire pense non, que. Et non, non, non, parce que c'est une pente très glissante et je pense pas qu'on ait nécessairement tous les outils pour y répondre et je pense pas que ce soit possible d'y répondre. Et en plus, on n'est pas concerné vraiment. Du coup, c'est peut-être pas à nous d'en parler. Mais j'ai un petit peu un problème avec les remakes. Enfin, les adaptations au cinéma hollywoodienne américaine de manga ou d'œuvres japonaises ou orientales en général. Je sais pas si ça se dit oriental, mais désolé si c'est pas bien de dire ça. Mais bref, parce qu'il y a toujours c'est aussi une pente glissante et il y a toujours potentiel à faire mal et faire être offensant envers quelqu'un. On n'est pas au niveau de Ghost in the Shell, dont on va essayer d'oublier l'existence de ce film avec Scarlett Johansson qui joue une personne avec un nom complètement japonais, mais c'est une personne pas du tout japonaise. C'est peut-être expliqué en 2 secondes dans le film, mais j'en ai rien à foutre, ça reste un problème pour moi. Mais je sais pas, en fait il y a un truc très... Après là c'est peut-être un petit peu différent parce que toute l'histoire de Gun, ça se passe pas au Japon avec... que des personnages japonais, c'est une ville totalement, enfin un monde totalement imaginé avec, enfin c'est genre, il y a plusieurs personnes de plusieurs cultures différentes, donc je sais pas trop quoi en penser, mais en même temps il y a toujours ce petit truc de les Américains s'approprient quelque chose qui n'est pas de leur culture et essaient d'en faire quelque chose de leur culture, je parle en général des adaptations. Je m'étends beaucoup pour un mini débat. Alors, est-ce que tu veux que je résume peut-être ? Moi, en vrai, je me pose la même question que toi. Est-ce que au final, le fait juste, par exemple, d'américaniser le nom de Daisuke, c'est ça que j'allais sous en venir. Prétexte que l'acteur n'est pas asiatique et qu'il est blanc, ou pareil, ça, américaniser... ils auraient pu prendre un acteur japonais et garder Daisuke. Ou alors américaniser le nom de Hugo et en faire Hugo, ce qui est en soi intelligent, mais du coup parce que l'acteur, pareil, n'est pas asiatique, oui. Me semble-t-il. Ouais. Est-ce que c'est du whitewashing ou pas ? Et du coup, c'est vrai que moi j'aimerais bien que peut-être des personnes concernées nous donnent leur avis parce que je serais j'ai pas la réponse, c'est juste une question que je me pose de savoir en fait je pense, où est la nuance, je pense, s'il y en a. C'est vrai qu'on n'est pas au niveau de Ghost in the Shell, tu vois. Oui, donc, mais moi je pense que ça, c'est, je pense à mon avis, s'il y avait eu quelque chose de problématique à l'égard de ce film, et je pense, après, voilà, on est à l'ère de Twitter et tout, ça serait ressorti, et mais après, on sait maintenant, tu sais, qu'il y a. Que si un film aurait pu poser problème, les communautés en auraient parlé et c'est normal. Et là, je trouve qu'ils se sont montrés. Ils sont peut-être montrés plus. Clément ? Enfin, je veux dire la production de la Fox. Je pense qu'ils sont peut-être montrés plus sages en fait. Ils ont pas. Bah après, il y a tout le truc de dans ce que je disais dans Gun, dans le manga original, c'est pas que des personnages japonais et tout. C'est mais très moi, universel. Ce qui m'a un peu fait penser à ça, c'est le fait que Daisuke Ido, donc le père de Alita entre guillemets. Ils l'ont renommé en Dyson juste parce qu'ils ont pris Christoph Waltz, ou alors est-ce qu'ils l'avaient déjà renommé en Dyson dans le scénar et ils ont pris un blanc après, tu vois, je sais pas. Mais dans tous les cas, ils auraient quand même pu prendre un acteur japonais, il y en a 1000 à Hollywood, enfin, tu vois, je sais pas. Ça, après, je me demande si c'est juste pas un souci d'adaptation, mais du coup, hein, quand les films sortaient à l'époque, on te rendait le nom plus... Oui, mais on est en 2019, genre, on n'est plus à l'époque où dans Sakura... Oui, exactement. Dans Sakura, elle s'appelait Tiffany ou que et Jason, Thomas. Ou et que Jason Voorhees, dans le premier Vendredi 13, s'appelait Jackie. Bah oui. Alors, par contre, je rebondis sur Thomas dans Sakura, mais je suis désolée, son nom en japonais, c'est Toya. Et là, encore une fois, on a fait preuve d'inventivité. Ouais, mais c'est comme... Bon, bref. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Sakura où vraiment son nom est resté. Bah parce que c'est le nom de... c'est le nom du manga, pense c'est pour ça. C'est comme... Peter Pauline, tu sais. Pauline chasseuse de cartes. Je me demande si c'est pas juste la manière dont ils ont souhaité... Bah, c'est comme Peter et Pierre, par exemple, tu vois. Oui, non, mais... Pierre Parker. Oui, mais bon, là, on est un peu en 2019, on s'est prononcé Daisuke, c'est pas... Bref, c'était juste un départ de pensée. Tu t'imagines vraiment... Le tramway encore. On y retourne, le tramway, toujours. Tu préfères que Christoph Waltz, il s'appelle Dyson, parce que... Il y a Christoph Waltz. Ouais. Alors Christoph Waltz qui se réveille et qui dit salut, je m'appelle Daisuke. Aucun des deux, j'aurais préféré qu'il garde Daisuke Ido et qu'il prenne un acteur japonais. Il faut faire japonais, un choix, j'adore. Non, faut rajouter une troisième option. Comme ils ont fait dans Ghost in the Shell, ils auraient très bien pu prendre une actrice japonaise. Tu vois. Mais après, je dis pas que là, en l'occurrence, par rapport à Dyson, Daisuke, bref, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Dans le sens où je sais pas, c'est en fait. C'est plus compliqué. Je sais pas vraiment, c'est juste une question que je pose, un mini débat que je lance. Si vous pouvez nous apporter des réponses, faites-le. Mais après, enfin, tu vois, je dis ça. Mais pour être complètement honnête, je sais pas si vous vous souvenez du film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Ouais, c'était trop bien. J'avais adoré ce film. Et après coup, j'ai su que c'était une adaptation d'un manga qui s'appelle All You Need Is Kill, où là, tout le monde est japonais, et en fait, ils ont américanisé de ouf. Et en fait, tu sais, ils auraient pu américaniser pour par rapport au... pour rendre les enjeux plus... les enjeux de l'histoire plus pertinents pour les Américains ou quelque chose comme ça, sauf que là, non, ils ont juste changé les noms et mis des blancs, tu vois. Là, je pense que c'est un petit peu plus problématique. Enfin, pas plus, mais c'est là, en tout cas, que c'est clair que c'est problématique. Bref, je lançais juste ça. Après, je disais que c'était une pente très glissante. On est à ski, là, putain. On est je trouve chasse-neige. Je trouve que, après, c'est vrai que je suis très intéressée vis-à-vis de cette question. Et je serais vraiment intéressée de voir ce que certains auditeurs ou certaines auditrices auraient à nous dire là-dessus, mmh. Et ce qu'il ou elle en pense. Mais on n'oublie pas qu'on parle quand même d'une adaptation d'un manga où justement le nom de l'héroïne a été traduit dans sa version anglo-saxonne. Donc elle s'appelle Alita dans la version anglo-saxonne et donc dans les versions films depuis la version anglo-saxonne jusqu'à la version française. Mais en fait, son nom en japonais, c'est bien Gali et c'est Gali qu'on a gardé aussi. En français. Ouais. Du coup, je me demande si au Japon, le film s'appelle Alita aussi, ou s'ils l'ont appelé Gali. On aurait peut-être dû regarder ça. Tu regardes ? Victor, fact-check. Enfin bref, je vais peut-être donner mon avis maintenant. J'espère qu'on n'a pas froissé trop de gens. Mais je voulais juste... Je trouve que c'est important d'en parler quand même. On ne va pas totalement occulter ce fait qui, à mon sens, est quand même intéressant. Mmh. Mais donc oui, même au-delà de ça... Le film n'est pas oufissime, mais il est bien. C'est un bon film d'action. Mais je trouve que tout l'intérêt du film se base sur le personnage. Mais c'est pas, le personnage n'a pas été créé par le film, donc je sais pas si je peux donner au film ce mérite-là. Mais le personnage d'Alita est juste excellent. Je sais pas si je veux être elle ou si je veux sortir avec elle. Elle est... non, mais toute son évolution, son émancipation et tout, je trouve ça très bien représenté, très bien montré, très bien écrit. Dans le manga, c'est d'autant plus mieux fait. Cette phrase n'a pas de sens. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Les combats sont cool, on a déjà dit, la chorégraphie est vachement cool, le motorball c'est vachement cool, cela dit. Le rythme du film, je trouve un peu bizarre parce que c'est très rapide au début, comme dans le manga d'ailleurs, c'est super rapide, on en avait parlé. Ça s'embraye super vite, genre au bout de 10 minutes, elle a déjà été trouvée, elle a été reconstruite, elle a rencontré son love interest, elle est introduite au motorball, enfin tout va super vite, et après ça devient très lent. Dans le sens où ils ont essayé de caler plusieurs arcs en 2 heures, enfin donc, du coup en 1h30, parce qu'il restait 1h30. Et il se passe plein de choses, mais c'est super étendu, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Mais après c'est vrai que c'est pas très... Enfin je pense que là, on est sur un manga si on parle de la série principale, on est sur un manga qui est en 9 tomes. Ouais. Et le film grosso modo c'est le tome 1, 2 et le début du 3 à peu près. Et franchement, sachant qu'il y a un arc justement sur donc le dénommé Gruishka dans le film, mais qui en fait est Makaku dans le, ouais, dans le manga. Ouais, ça, c'est un arc en soi. Et puis après, il y a l'arc avec Yugo, justement, qui arrive après avec justement toute l'histoire avec Vector, son rêve d'aller à Zalem, qui est un petit peu occulté, mais soit. Et ça, en soi, ça fait 2 arcs. Et justement, raconter 2 arcs en un seul film, c'est complexe, mais en faire un seul film par arc, ça aurait été un court-métrage, en fait. Enfin, c'est un peu compliqué, à gérer. Je trouve qu'ils l'ont assez bien géré, des choses bizarres au niveau du rythme. Mais comme tu l'as dit, justement, c'est vrai que le rythme de... Enfin, moi, j'ai relu les 3 premiers tomes parce que je les avais lus il y a très longtemps et je ne sais même plus où je m'étais arrêtée. Mais le tome 1, moi, il m'avait vraiment déstabilisée parce qu'en fait, dans les mangas, il y a quand même un peu de code, ne serait-ce que dans la composition d'une page, par exemple, pour signifier une ellipse. Et là, les ellipses, elles n'étaient pas claires du tout. Mm-hmm. Le rythme, il est un peu effréné parce que, oui, en fait, elle est trouvée, puis en fait, il lui trouve les bras, puis après, il lui trouve les jambes, puis ensuite, il y a Makaku qui arrive, donc du coup, elle se fait péter les bras, donc il doit lui trouver un nouveau corps. Et puis en fait, rajoute... ça s'enchaîne assez vite. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en un temps record, elle s'attache à son recréateur, je vais l'appeler comme ça, parce que là, et elle s'attache très vite à lui, alors qu'en fait, nous, concrètement, on a lu 4 pages, et donc c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est vrai qu'au bout de 4 pages, elle est déjà en mode, elle vit sa vie, elle connaît les gens du quartier, elle leur tape discute et tout en mode. Dès le départ, c'est compliqué d'avoir une empathie, mais en même temps, on parle d'un manga qui a sans doute été prépublié, et donc du coup, la prépublication et l'édition pour des mangas au Japon, c'est complexe. Parce que en fait, si t'as pas d'audience, et ton chapitre suivant, il est peut-être jamais publié. Ouais, c'est comme donc, un pilote de série, quoi. Ouais, donc du coup, je sais pas quelles ont été les conditions d'édition de Gun, mais si c'était ça, je comprends qu'il y ait beaucoup d'infos dans le premier chapitre, du coup. Ouais, pour essayer de le vendre, quoi. Ouais. On disait qu'ils avaient changé des trucs, on a oublié de dire qu'ils ont rajouté un personnage, le personnage de Jennifer Connelly. Qui est Shiren. Qui s'appelle Shiren, exactement. Alors ils ont un peu oublié... Shiren Badi. Oh non, voilà, c'est pas très radiophonique, mais Victor est très fier de cette vanne. Il a fait un drop the mic, il est parti là, il est sorti du studio. Mais ils ont tout occulté, alors... tout l'arc de Yugo qu'il y a dans le manga, mais ils ont rajouté un autre personnage. Ils ont rajouté Shiren, et d'ailleurs ça justement, la personne avec qui je suis allée voir le film à la fin m'a dit tu connais Shiren? Et donc du coup, comme je n'avais pas lu, j'adore ces chansons. Mais comme j'avais pas lu tous les mangas, et du coup j'ai dit non, et en fait il m'a répondu moi non plus. Elle est peut-être dans le manga, on la voit, mais elle est très petite, Shiren. On va laisser un blanc très long. C'est pire que ma blague de la cage de l'escalier l'épisode sur glace. Et aussi il y a un truc qu'ils ont changé, c'est Alita, il dit que c'est le prénom de sa fille dans le film, et dans le manga c'est le prénom de son chat. Non, de son chien. J'ai relu le tome 1, il dit son chat. Chelou, pour un chien, pour un chat. J'avoue, dans le futur, ça passe. Mais oui, en fait, il lui donne le nom de Gali parce que c'est justement un animal de compagnie qu'il vient de perdre, donc il vient de mourir. Et d'ailleurs, son assistant, qui est maintenant une assistante dans le film, lui dit, dis donc, t'es quand même gonflé. Il lui dit, c'est pas le nom de ton chat. Et puis il fait, c'est ça. Donc c'est pas très... Ah oui, si, tu as raison, chat. Ce n'était pas le nom de ton chat, celui qui est mort le mois dernier. C'était pas un mâle. Celui qui est mort le mois dernier, en plus. Genre, et putain, après, peu importe. Super le remplacement, quoi. Non, mais alors, Daisuke, vraiment best dad, quand même. Peu importe, c'est juste en attendant qu'elle se rappelle de son propre nom. Ça n'arrive jamais. Donc, oui, et un autre truc aussi. Bah, après, c'est un peu pour, ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est que. Je l'ai dit, c'est un bon film, mais je trouve qu'il sort pas du lot, alors que Gunm, ça a quand même une identité de ouf, quoi, tu vois, c'est vraiment un truc qui a marqué les esprits et tout, alors que là, je trouve que c'est un bon film américain avec des bons trucs et tout, mais tous les bons trucs qu'ils font sortir du lot, ça vient de Gunm, ça avait pas été créé par l'adaptation. Justement. Laisse-moi finir, Victor, s'il te plaît. Oh et parce que je suis dans ma phrase, elle est dans ma tête, je vais la perdre. Et du coup, je pense que ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est que en adaptant le truc en l'américanisant, tu perds l'identité qui est fondamentalement qui vient fondamentalement de la culture dans laquelle ça a été créé, tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire. Ou je sais pas, de ça se trouve je dis une connerie hein, mais c'est ce que je ressens et du coup je trouve que mais d'un côté ça m'a donné envie de m'intéresser plus au manga et à l'anime. Je vois pas ça pour un mal en fait, parce que l'adaptation dans les super productions, maintenant, il n'y a que ça. C'est toujours des adaptations littéraires, c'est toujours des adaptations de comics, des adaptations de séries, tout ce que tu veux. Et justement, là, ils se sont dit, on va prendre un truc qui sort du lot. Donc, l'identité dont tu parles, tu as totalement raison de Gunn. Mais en le transposant au cinéma, on a le droit à voir des choses qu'on ne voyait pas dans des tas d'autres blockbusters. Alors, je sais pas. Scénaristiquement, non. Ouais. Visuellement, je suis un peu scénaristiquement, d'accord. Scénaristiquement, c'est l'histoire basique du young novel, la littérature pour adolescentes. Alors, je veux combattre le monde d'en haut. Et puis, ouais, les méchants, les gentils. Et puis, Alita, je t'aime, mais en fait, j'ai, dans mon cœur de bad boy se cache un cœur. donc voilà, on a ces clichés-là, bien sûr. Mais, qu'est-ce que c'est cool visuellement. Oui, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Zalem est magnifique. Hein, je suis d'accord, mais après, je trouve que c'est pas. Je le re-regarderai pas. Des quoi. Chiens robots, Jade. Non mais je suis d'accord, mais ça me donne plus envie. Après c'est personnel, vu que c'est mon avis, mais du coup ça me donne juste envie de m'intéresser aux matériaux de base et plutôt que de revoir le film, tu vois, parce que j'aurais plus de matériel et plus de et ça a l'air mieux fait dans Gunn, l'anime, le manga ou le film qui regroupe l'animé, que de regarder le film. Mais de du coup, les chiens robots, vu que tu as l'air de vraiment les adorer, ils ne sont pas dans les trois premiers tomes, mais ils arrivent après. Parce qu'on m'a dit, le personnage avec les chiens, là, il arrive après. Hein, moi, j'ai trouvé ça trop cool. Dès qu'il y a des chiens, de toute façon. Voilà. C'est comme dans Predator, hein, les yinches aliens. Dans Predator, dans Star Is Born, dans Alita. À chaque film qui a un chien, c'est un bon film. Voilà, si genre Marley et moi. Oh putain. Je l'ai pas vu. Ah, j'ai eu peur. Mais déjà que je pleure devant la pub pour la SPA. Vaut mieux pas que tu regardes Marley et moi. Là. Comment dire ? Ou Air Bud ? Ouais, je suis sûr que Air Bud, c'est très bien. Tu l'as pas vu non plus ? Mais je l'ai pas vu, mais c'est un super film. Chien qui fait du basket, c'est trop bien. Tu fasses une liste de films de chiens et que tu. Et des films de basket ? Bah oui, Chien des neiges aussi, comme Chien et Chien. Balto. Balto, ouais. Mais ça fait plus nom de bar, ça. Ça fait plus nom de bistrot, le Balto. Ouais. T'allais dire un truc avant qu'on parle de chien. Mais moi, je trouve que vraiment, dans ce film, il y a vraiment un aspect, il y a un côté visuel. Alors, c'est clair que c'est pas de la grande révolution voulue. Hein. Bon, ok, c'est des chiens robots, c'est trop cool, mais c'est pas... Mais il y a quand même quelque chose qui est rafraîchissant, voilà. Qui est rafraîchissant, pas dans le but de révolutionner le cinéma ou quoi, mais... ça fait du bien quand même de pas voir des gens en tenue de fond vert dont on incruste les costumes en fond vert. Enfin, tout a été fait en motion capture hein, quand même, donc. Oui, mais au moins c'est plus propre plutôt que des fonds verts moches de chez Marvel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? J'ai une question avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, on disait que Alita mangeait. Ah, oui, comment ? C'est vrai. C'est un robot. Avec sa bouche. Mais enfin, où ça va ? Bender dans Futurama, où est-ce boit que de ça va ? Non, mais alors, Bender, oui, il mais... a une porte, il peut ouvrir, sortir les choses, je comprends. Il a pas inventé ça, Bender. Hein, il a dit mais là, c'est un robot, enfin, c'est un cyborg, il n'y a que sa tête et son cou qui sont humains. Le reste, c'est un corps robotique. Où vont alors, en tout cas, les aliments qu'elle mange ? Déjà, on avait eu ce débat. Est-ce qu'elle mange dans le manga ? Tu m'avais posé cette question. Oui, après je sais qu'elle mange dans le manga. Film. Du coup, je pose donc, cette coup, question oui, effet, à Yukito. Dans le Yukito, Yukito Kishiro, si je te lance un appel. Réponds-moi si tu m'entends. Si tu me comprends. Où va les ramen ? Où va le chocolat ? Où va l'orange ? Oui, où... parce que... Alors, les ramen, justement, pour la petite histoire, parce que, bon, on n'a pas expliqué, mais en fait, donc quand Jeanne m'a posé la question... est-ce que Alita mange dans le manga ? Alors, elle ne mange pas aussi vite. Enfin, aussi vite dans l'histoire, en tout cas. Mais dans le tome 3, je me souviens très bien. Donc, elle est avec deux personnages qui n'apparaissent pas dans le film. Et c'est au moment où elle fait du motorball en ligue. Donc, comme on peut le voir un peu plus loin Bégette. Dans le film. Et en fait, elle déguste des ramen, des nouilles, je sais plus quoi exactement. Et en fait, elle pose la question d'ailleurs comment ça se fait que c'est aussi bon. Donc, ce qui prouve qu'elle a des papilles gustatives, hein, puisque c'était la question soulevée avec cette histoire d'orange dans le film, c'est tes papilles gustatives fonctionnent. Et justement, le personnage lui explique c'est une nourriture qui est faite exprès pour que les cyborgs aiment la manger, donc gustativement parlant, pour que vous aimiez la manger. Je pense non, pas mais que ça, ça je veux serve bien. À quelque mais chose. Coup, non, mais c'est mais pas ça ma question. Ma question, c'est où est-ce que vont les aliments une fois qu'elle les a avalés ? Aux toilettes. Mais c'est pas possible, elle a un corps de robot, elle a pas un système digestif. Mais, répondez-moi, mais on s'il est dans vous plaît. On est dans torture, un... ça fait deux on semaines, est... j'ai pas dormi. On est dans un film avec des robots et des chiens robots. Oui, mais et du coup, je suis perçu parce que maintenant, je me demande comment, pourquoi Cyborg dans les Teen Titans bouffe des gaufres mais et oui. tout. Et où est-ce mais que Cyborg, c'est parti Cyborg, c'est genre son bras, une partie de sa tête et tout, c'est pas tout son corps, si ? Oui, mais c'est un son, cyborg son quand système, même, il s'appelle Cyborg. Son système digestif, là, Alita, tout son corps est un corps robotique. Il n'y a pas de système digestif, il n'y a pas d'intestin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu vois, elle ne va pas aux toilettes. C'est ça que je veux dire. Mais en même temps, c'est vrai que ce serait intéressant. C'est vrai que ce serait une scène où elle est sur les toilettes. Du coup, moi, ma théorie, c'est vraiment, comme il disait, son cœur, c'est de l'antimatière, c'est ça ? Ils avaient dit dans le film, je ne sais plus. Mais... il lui dit qu'il y a une partie de son cœur qui pourrait alimenter absolument tout et je crois que c'est de l'antimatière ou de la matière noire, je sais plus. Ma théorie, c'est que ça absorbe la nourriture. C'est ça qui peut-être absorbe la nourriture. Peut-être que ça transforme en... Ou alors ça se recycle, hein, c'est son corps entier, c'est un compost et... Ah, peut-être. Non, mais elle est écolo, Alita, en fait. Peut-être. Vous tenez une piste. J'irai googler tout ça après l'émission. Ça à Robert et à James. On peut résumer, je demanderai à Yukito. Si on résume le film mal, on peut dire c'est l'histoire d'une robot, d'une fille robot écolo. C'est ça. Qui recycle les c'est une ode à l'écologie et qui fait vraiment en sorte que la décharge aille mieux. Voilà. C'est... Ouais, c'est ça. Je défends la prochaine fois. Je ferai une recherche Google. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce film avant qu'on des passe ? Chiens robots. je pense que ça se pose. Je pense bien. Que ouais. Mais on n'a pas parlé. Moi juste, je voulais dire que l'armure de Zapan. Oui, qui est joué oui, par. Oui, oui. J'ai oublié son nom, mais je sais que c'est le mec qui joue Francis dans Deadpool. Et c'est Ed Skrein qui joue toujours des rôles de connard. Bah oui, et oui, c'est pour ça d'ailleurs que pendant tout le film, j'étais là genre merde, c'est qui ? Je me souviens de lui, et en fait, à un moment, il y a eu un petit plan contre-plongé sur lui, et j'ai dit. Mais c'est le mec dans Deadpool alors, en fait, parce que c'est le même rôle. C'est le mec dans Deadpool, mais cette année on l'a aussi vu en tant que flic raciste dans Si Bill Street pouvait très parler. Très charmant. Et c'était quand même l'héritier du transporteur. Oh, dans le transporteur, l'héritage. Ouais. Ah, t'as vu et les donc, meilleurs films. Bah, l'armure de Zapan, donc, qui est joué par Ed Skrein. Il craigne. D'accord. Comme... Et bien, son armure est fantastique, son dos. Vraiment, oui, non, mais dos, c'est vrai que les robots, plus, les armures, moi, c'était magnifique tout avec est... la petite tête de mort. Et, moi, d'ailleurs, j'étais perturbé parce qu'au départ, je pensais pas que c'était Ed Skrein. Là, c'est petite dédicace aux fans de Peaky Blinders, mais je pensais que c'était Cillian Murphy. Ça aurait été chambé avec Cillian Murphy. Et je sais pas, les deux se ressemblaient. Je me dis, putain, mais je voyais la bande, je me dis, mais qu'est-ce qui est venu foutre Cillian Murphy là-dedans ? Bah, chercher son chef. C'est l'accent, peut-être. Ah, celui, alors. Petit spoiler, je suis désolé. Hein. Oui, alors passez 15 secondes si ouais, vous voulez pas ouais, entendre ce spoiler, je sais de quoi tu vas parler. Passez 30 secondes. Alors voilà, on voit quand même que Hollywood veut toujours faire son adaptation de sa franchise. Il voulait faire d'Alita une franchise en dévoilant oui, c'est joli, la superstar qui jouera le méchant. Ah, alors, oui. On a eu Julianne Moore dans Hunger Games. On a eu Kate Winslet et Jeff Daniels dans Divergente. Là, on a qui? Edward Norton qui fait juste coucou à la fin et il vient chercher. Il enlève son ses chèque. Lunettes et puis on est là. Voilà. Ah, catching, catching. C'était lui. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est le grand beauté, moi, qui m'a mis la puce. J'ai vu le grand beauté, j'ai fait. Et du coup, voilà, c'est quand même dingue. Hein, il vient chercher son chèque. Et il y a aussi. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais il y a Mahershala Ali qui joue en méchant. Ouais. Et sur l'affiche, j'ai cru que c'était Oscar, Blade. Félicitations lui pour son Oscar, ouais, dont on va parler bientôt d'ailleurs. Ouais. On a dit, tu l'as dit, ils veulent faire des suites, mais moi perso, j'y crois pas trop qu'ils vont réussir à les faire. À l'international, il marche hein, quand même. On verra. En France, mais en tout cas, je me demande, je me pose la question, s'il y a des suites, est-ce que ce sera Rodriguez qui va les réaliser ou pas? Et alors, en désolé, fait, c'est juste, j'essaie de faire une transition pour la deuxième partie, parce que dans cette deuxième attends, partie... Attends, je vais te faire une meilleure transition, et c'est en hommage à nos grands humoristes, Rodriguez. Oh non. Père. Elle, c'est vous, Franck Dubois, c'est pour vous. Et donc, dans cette deuxième partie, on va parler de Robert Rodriguez, et c'est tout de suite. J'ai vu tant que vous ne pourriez pas croire. Robert Rodriguez, vous, né au Texas, d'origine mexicaine, c'est un réalisateur de 51 ans et vous le connaissez sûrement déjà parce qu'il a réalisé plusieurs choses telles que Le Grand, Le Seul, L'Unique, Spy Kids. t'as cru que j'allais dire Sin City? Oui, j'y ai tellement cru. La trilogie Spy Kids d'ailleurs, enfin la quadrilogie. Quadrilogie, mais on n'en parlera pas du 4. En odorama, faut pas merde. L'oublier. Quelle merde. Il a bien évidemment fait plein de films. Quel est votre film préféré de Robert Rodriguez? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite liste de ce qu'il a fait avant ou pas, petit, pour les auditeurs, ce serait chouette. Alors, il a déjà commencé avec un court-métrage, je crois, il me semble, en espagnol, qui s'appelait... Ah non, ça c'est sa BD, il a fait une BD en espagnol qui s'appelait Los Hooligans, qu'il a réussi à publier, même s'il n'arrivait pas à se faire soutenir, à avoir des producteurs et tout, il a persévéré, et au final, il a réussi, en 1990, à sortir son premier court-métrage qui a été récompensé dans plusieurs festivals. Il persévère parce que il a raison, parce que c'est cool ce qu'il fait. Et en 92, il sort son premier long-métrage El Mariachi, tourné en espagnol, avec un budget de $7,000. Et à partir de là, c'est la teuf, c'est la fête, il se fait repérer. Et en 95, il sort le film, je sais pas si vous vous en souvenez, Desperado, avec Salma Hayek. Je ne l'ai pas vu. Eh ben, regarde-le, c'est chambé. En tout cas, en 96, un an après, il sort un film aussi super connu qui a eu droit à une adaptation en série, Une nuit en enfer. Il y a des suites. Avec Salma Hayek encore, et aussi Tarantino et Clooney. Et ensuite, je vous lis mes notes comme je les ai écrites. Consécration, Spy Kids, Yes Bitch, gros succès, 100 millions de box-office en 2001. Un film très important dans mon enfance et dans celle de Eve aussi, je pense. Et en 2005, 4 ans après d'ailleurs, c'est Salma Hayek qui joue Frida, yes, exactement. Et en 2005, 4 ans après, il sort une autre adaptation de BD, enfin de roman graphique en l'occurrence, mm-hmm, Sin City, qui très est chouette, un film que Eve surkiffe, mais plus important encore, il sort en 2005, Shark Boy et Lava Girl. Oh. Et avec... ça, tu vas nous en parler plus en détail. Je vais juste vous dire qu'il y a Taylor Lautner, enfant, dans le rôle de Shark Boy, okay, que Robert Rodriguez mais fait lui, un caméo vocal. Il joue un requin dans ce film. Donc je vous invite à aller voir ça, et que le méchant, c'est juste un gamin, un robot trollé ouais, avec une tête tout étirée, genre style soleil des Teletubbies en robot. Mais c'est fantastique. Ça vous fait faire des cauchemars, mais en même temps, oui, c'est fun. Non, mais moi j'avais vu la vidéo du Nostalgia Critique sur ce film et les images. Elle te hante. Elle me hante, voilà. Mais c'est très drôle, Charles Boyer, la et donc c'est depuis que tu as vu cette vidéo que tu nous fais des blagues comme Shiren Badi. Exactement. Il est plus le même depuis. En 2006, il sort Planète Terreur avec Rose McGowan, il me semble. Je me souviendrai toujours de cette affiche où elle a un gun à la place de la jambe. Et c'est ça, c'est un j'adore cette affiche. Film de zombies avec Josh Brolin, il y a Tarantino aussi qui joue un violeur. Je l'ai pas encore vu, mais depuis que j'ai vu cette affiche, ça me hante, comme toi avec. Et j'ai envie de le voir. Après, il se perd. Il se perd parce qu'en 2011, il sort la plus grosse merde, Spy Kids 4, avec Jessica Alba enceinte qui fait. Enfin, son personnage est enceinte dans le film, je sais pas si elle est enceinte dans la vraie vie, qui fait une espionne un peu nunuche. Je vous invite à ne pas le voir. Et en 2013, random fait sur Robert Rodriguez, il lance sa propre chaîne de télévision qui s'appelle El Rey. Et il diffuse d'ailleurs en exclusivité la série télévisée adaptée de son film Union d'Enfer, qui sera après diffusée sur d'autres chaînes. Mais c'est lui qui a eu l'exclusivité parce que c'est son film. Et en 2014, il sort Sin City 2 avant de sortir Alita, dont on vient de parler. Est-ce que Victor, t'as des trucs à dire sur Spy Kids? Sur Spy Kids, mais non, mais quels sont les navets dont tu parlais tout à l'heure? Selon toi, pour moi, Robert Rodriguez, c'est un peu le Steven Seagal du cinéma Greenhouse que lui et son poteau Tarantino ont voulu. Ouais, c'est vrai qu'il est très pote avec Tarantino. Ont voulu réexploiter. Ils ont même fait un projet ensemble qui était le projet Greenhouse Boulevard de la Mort, fausses bandes annonces, puis Planète Terreur, où c'était l'inverse, mais en tout cas c'était ça le projet. Mm-hmm. Et alors, ces films à Robert Rodriguez, qu'est-ce qu'ils sont fauchés, hein. Mais le problème, en fait, c'est que moi, j'ai un souci avec ça, c'est que pour combler le fait que ce soit fauché, il prétexte toujours cela au nom du cool, en fait. C'est cool d'être fauché, de pas... Et moi, j'ai un souci avec ça, c'est qu'en général, je vois des films... On a l'impression que maintenant, le fait d'être fauché dans Robert Rodriguez, pour lui, être fauché, c'est devenu... fauché, t'as vu le budget de Alita, s'il te plaît? Oui, non, mais hormis Alita, mais... Et Sin City, quand même. Moi, il y a des films, je sais plus si... Je pense pas que tu les évoquais, mais c'est les Machete. Ah oui, je... Par exemple, je trouve vraiment c'est un degré de cynisme assez dingue, où c'est vraiment... C'est vraiment de la parodie du film fauché à l'extrême, sauf qu'on voit ça... Et on voit que c'est fauché, c'est dégueulasse à regarder, c'est chiant. C'est super chiant, Machete 1. Et Machete 2, c'est vraiment chiant. Et le problème, c'est qu'ils trouvent ça cool. Le problème, c'est qu'ils se... je me suis peut-être mal exprimé. C'est qu'ils se donnent des airs de fauché alors qu'il a les moyens. Oui, Qu'avant, dans ses premiers films, les trois premiers Spy Kids à la rigueur, et... Moi, c'est mon film préféré, en fait, de lui, c'est Une nuit en enfer. Oui. C'est vraiment des films où tu vois que c'est vraiment du fait maison, c'est du fait maison. Oui, et puis tu vois qu'il y a vraiment de l'artisanat, il a quelque chose de lui, quoi. Et tu vois que c'est un peu fauché aussi, mais il y a du cœur, et ça, c'était cool. C'est un peu comme ce que faisait... là, si Stéphane était là, il m'aurait balancé une boîte ou un cahier à la gueule, mais tant pis. Mais c'est un peu ce que Peter Jackson faisait dans les années 90 avec ses premiers films, en fait. Mmh. Et c'était vachement cool. Et une fois... Mais il n'a pas eu les mêmes ambitions que Peter Jackson, Robert Rodriguez. Et il a juste voulu marcher sur les plates-bandes de son poteau Tarantino. Maintenant, du coup, t'es là, genre... Moi, je le trouve sympa. Enfin... Sa meilleure apparition. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je veux dire, ses films, je les trouve sympas. Et si ces films sont représentatifs de la personne qu'il est, c'est pas déshonorable, quoi. J'aime pas tous les films qu'il a fait, mais je veux dire, c'est pas un mauvais bougre, quoi. Oui, voilà, il y a quand même de la sympathie, c'est pas... En fait, je pense que, hormis des problèmes-là sur le cinéma, c'est quand même... Il est modeste, en fait. Et je pense qu'il ferait mieux... Bon, là, avec Alita, il a clairement fait un projet qui est ambitieux et tout. C'est clair. Faudrait mieux... C'est un peu comme, pour moi, c'est exactement ce qu'a fait Eli Roth l'année dernière. Qui, lui aussi, il a le même chemin de parcours que Robert Rodriguez. Maintenant, ils sont potes ensemble, ils sont potes avec Tarantino, les trois. Et alors qu'il a fait des tas de films d'horreur fauchés, un peu nuls, voilà... L'année d'après, il fait quoi? Il te fait La prophétie de l'horloge avec Cate Blanchett et Jack Black. Je me souviens de cette affiche. Et c'était méga cool. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand ils se montrent aussi candides qu'Alita, qui bricolent les trucs et qui sombrent pas dans un cynisme. Le cynisme qu'il peut y avoir de temps en temps qui te dérange un petit peu, mais autrement. Faut vraiment. Moi, je me souviens à l'époque où était sorti le premier Machete. Le premier Machete, on t'avait vendu ça comme un énorme délire que tout le monde voulait absolument voir. C'était une reprise de sa fausse bande-annonce qu'il avait fait. Donc mais c'est aussi même le personnage que Danny Trejo joue dans Spy Kids. Oui. Et tu dis, waouh, ouais, c'est trop bien, Danny Trejo, il va casser des gueules. Il y a Steven Seagal qui va se battre contre lui, putain. Et il y a Robert De Niro. Tu dis, putain, mais ça va être trop bien. Et tu vois le film et t'es là, genre. Ah, Steven Seagal, c'est simple. C'est juste deux scènes où il est au téléphone. Et non, après, ça suffit. Et après, c'est genre. Ah, Machete, je vais te battre. Non, Steven Seagal, c'est moi qui vais te battre. Et c'est une scène de parce con. Parce que bien sûr, Steven Seagal porte son propre nom dans ce film. Exactement. Et tu les vois, les deux qui battent, mais de manière mou du genou. Ouais, tu préfères les pubs Old El Paso, quoi. Exactement. Mais parce que, au moins, les pubs Old El Paso, ça me donne faim. Putain, j'ai envie de les faire face par Trejo. Mais est-ce que t'as un film préféré? Bah oui, tu as dit Union d'Enfer. Union d'Enfer, que je trouve vraiment. En fait, Union d'Enfer. Je vais juste dire le début du film, parce que c'est un film qui, pour moi, ne faut absolument pas raconter ce qui se passe. Oui, et j'aurais adoré ne pas savoir ce que c'était vraiment, en fait. Ouais. C'est, en gros, c'est, on suit le best poteau de Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, et son frère, joué par Georges Clooney, donc c'est le frère Gecko. Seth Gecko et le nom du rappeur vient probablement de là. Ce sont deux frères psychopathes qui sont en cavale. Le début commence, ils détruisent une station-service en éliminant tout le monde. Ils ont une otage, ils s'arrêtent dans un motel. Et pour comme ils sont encore en cavale, ils vont décider de séquestrer un père de famille ex-prêtre joué par Harvey Keitel qui renonce à sa foi et ses deux enfants, dont la fille est jouée par Juliette Lewis. Ils les prennent en otage à bord du camping-car d'Harvey Keitel. Ils doivent aller à un bar qui s'appelle le Titi Twister. Et regarder le film. Fin. Pour savoir fin la suite. De. Voilà. C'est comme les articles irrécupérables si tu payes pas. Voilà, c'est ça. Dis, pour voir la suite. Voilà. Donc pour voir la suite, être surpris. Non, franchement, il est très et cool. Et c'est très fun. C'est. Ouais. J'ai pas vu la série, mais apparemment, elle est presque tout aussi bien. Ah ouais? Elle avait des très bonnes critiques. Mais là, c'est vraiment un film que je trouve très chouette dans les ruptures de ton, très chouette dans. C'est vraiment un film artisanal en fait. Tu vois les ouais, effets moi, spéciaux. C'est ça que j'aime bien de ce que j'ai vu de Rodriguez, notamment Spy Kids. Je vais y revenir, mais les bonhommes poussent. Hein, sérieusement, j'aime. Oh putain. Ouais. Sérieusement, j'aime alors, beaucoup ce film. C'était justement ma question. Le bonhomme pousse, c'est bien dans le premier, on est d'accord. C'est ça, comment il s'appelle? Le gars qui veut contrôler la télé. Voilà, là, c'est ça. C'est l'acteur, je sais plus le nom. Alan Cumming. Oui. Voilà. Il a un super nom de famille. Non le pauvre, il a dû se prendre plein de vannes. Mais oui, c'est ce que. C'est, je sais plus ce que je disais. C'est ce que. Ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu des films de Rodriguez, c'est qu'il y a un peu ce truc de artisanal dans le sens où j'ai peut-être pas les moyens, mais j'ai envie de le faire, alors je vais le faire avec ce que j'ai, avec ce que je suis capable de faire, et il arrive à faire des trucs super cool, notamment la scène post-générique de Spy Kids 1 ou Spy Kids 2, je ne me souviens plus, qui m'a vendu du rêve étant gamine. Eve, est-ce que tu as un film? Je faisais une photo de mon micro pour mon compte Instagram. alors bah du coup puisqu'on a lancé le sujet Spy Kids, partons là-dessus. En fait bah du coup on a tellement regardé le 1. Putain. Que c'est vraiment surtout le 1, enfin j'ai vraiment des c'est dans, beaucoup c'est dans le 1 la scène de chant à la fin là où il y a pas les piles dans le gadget. Oui, mais, non, mais allez la regarder sur YouTube. On est d'accord que par contre c'est bien dans le 3 où il fait tout dans la montre et qu'à la fin il dit par contre elle donne pas l'heure. Parce que ça c'est vraiment je un sais gag plus c'est dans lequel mais c'est Black Mirror cool. Ou quoi bah, et oh là, c'est le futur Black Mirror, les Apple vous Watch avez rien inventé. non mais ça vraiment j'adore parce que enfin c'est vraiment ça c'est un gag que j'aimais trop enfin on dirait un truc et ouais. Vraiment il dit ouais la montre elle fait ça elle fait Apple Best personne elle fait vous tout pouvez vous pouvez jouer aux jeux vidéo enfin c'est vraiment oui l'Apple Watch avant ouais. L'heure quoi et elle peut tout faire et tout limite elle sert le café ça c'est une blague de vieux c'est trop une blague de Popos. Et ta montre, elle donne l'heure ou pas? Et ton téléphone, là, tu peux appeler avec? Mais non, mais là, est vraiment, pour le coup, les gamins qui font « Ah, c'est super, mais comment on fait pour afficher l'heure ?» Et là, vraiment, il fait « Ah, bah, j'avais plus la place pour mettre l'heure, quoi. » Donc ça, c'est... Enfin, Spy Kids, ouais, ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est ça que j'aime bien aussi. Et puis, bah, t'as quand même un cast pas dégueu, je trouve, pour un truc qui se prend... Antonio Banderas. Antonio Banderas. Non, mais Antonio Banderas. George Clooney. Quel président. Bah, et Danny Trejo aussi. Danny Trejo, il y a Steve Buscemi. Alan Cumming. Julie Cortez, la gamine, je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Et son frère, qui a toujours les cheveux, peu importe le plan. Ouais, bah oui, forcément. Il y a pas Dakota Fanning dedans aussi. Je ne sais plus. Non, c'est Tyler Momsen, je crois, qui était dedans. Peut-être. Ah ouais. Ouais. Mais donc, du coup, Spy Kids, enfin, moi, c'est... plutôt la nostalgie qui parle, parce que oui. Je suis sûre que si je l'ai re-regardé maintenant, je ferais... Ah moi, ouais, je suis sûre que quand même. Non, moi, c'est génial. Je pense que oui, je la regarderai toujours avec une tendresse et tout, mais en vrai... Le si 1 et le 3, il est un peu moins bien, je pense. Bah, attends, non. Alors, si je compare avec vraiment des films que j'adore... Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Louis de Funès est avec nous. Jamy, on te fait des bisous. Jamy qui surréagit toujours dans les épisodes de C'est pas sorti quand il fait Mais je l'adore. Mais objection, comme dirait Phoenix White. Oui, super rêve. Le 3, je suis désolé, quand on l'a vu, hein, quand il est sorti, on était petits. Il y a un avant et un après. C'était... Non mais voilà. Alors, mais la trilogie, il y a un avant et un après. Peu... Mais le 3 est moins bien que le 1. C'était un peu le Avatar de l'époque. On y était tous, on avait tous nos lunettes. Oui, mais oui, avec les lunettes 3D. Picsou, oui. Encore une oui. fois, on en revient à Picsou Spy Magazine. Picsou Magazine, toujours en avance sur son temps. Voilà, Picsou Magazine qui offrait les lunettes 3D à l'occasion. C'était bien cette époque. Et du coup, on voit ce film, les jeux vidéo, tu vois, c'est un film qui fait réfléchir sur les jeux vidéo. Oui, mais le 1, ça fait réfléchir. Il est toujours fait réfléchir. Dans mon cœur, et s'il veut. Voilà, alors moi, c'est le. Mais la dans star. Le. C'est dans le 3 ou pas qu'il y a les lunettes avec tous les trucs, oui. avec tous les verres. Mais alors, par contre, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, en parler? Je sais pas si tu t'en souviens, Jade. Mais alors, nous, c'est le moment où vraiment on commençait à se procurer les films de façon tout à fait légale pour les regarder sur notre télévision. et en fait, il se trouve que. À ce moment-là, on nous avait refilé justement Spy Kids 3 pour qu'on puisse le regarder, mais que c'était la version 3D et qu'on n'avait pas les putain, lunettes. C'était trop laid. Et voilà, tu te souviens qu'on a dû les regarder justement avec. Depuis, je suis avec. Quel âge un peu fou. Bah, depuis, voilà, j'ai une grave maladie. mais du coup, peut-être que je peux aussi faire un petit virage vers Sin City. Oui, ton film préféré de Rodriguez. On n'a pas parlé de Stallone quand même. Stallone. Stallone, trois fois Stallone. On fera hors série Spy Kids, vous inquiétez pas. Spy Kids 3D. Ah, purée, absolument ça veut dire qu'on va devoir se taper les 3 Spy Kids. Les 4 plus 1. Les 4. Il y a un avant et un après Spy Kids 3, mais il y a un après. Il y a surtout un après. Il y a surtout un après. Et oui, donc Sin City, déjà. Alors moi, Sin City, c'est assez curieux, c'est qu'en fait, on me l'a conseillé. Déjà, j'ai mis très longtemps à voir le 1, parce qu'on me l'a conseillé, et en fait, je trouvais jamais le temps de le regarder. Et vraiment, quand je l'ai vu, là, je me suis dit. Ah ouais, quand même. Et donc, un peu comme toi, finalement, avec Alita, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça m'a vraiment donné envie de découvrir le matériau de base. C'est le film qui m'a donné envie de lire le roman graphique, que je connaissais, mais que je n'avais pas lu. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert vraiment le travail de Frank Miller, qui est assez ouf. Je suis d'accord. Donc, je sais que Frank Miller, il est énormément connu aussi pour son travail sur Batman, mais vraiment, moi, j'ai une affection particulière sur son travail sur Sin City. Et le Sin City 2, quoi qu'on en dise, je suis désolée, il y a Joseph Gordon-Levitt et Eva Green dedans. Et donc, et Lady Gaga. Hein. Bah oui, alors du coup, j'aime beaucoup ce film. Et voilà. Mais non, mais franchement. Je crois que t'es toute seule, seule au monde, t'es comme Corneille. Eh ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Corneille, c'est un musical. Chouette chanteur. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé le 2, et au final, si tu regardes le 1 et le 2 à la suite, ils ne sont pas si différents. Mais moi, c'est ils ça. Sont pas si différents. C'est ça le problème que j'ai eu, c'est que j'avais vu le projet vu. Je me souviens que lycée, on nous avait emmené voir le premier en c'est salle. C'est génial. Et la même année, un an après, j'ai revu le 2. J'avais vu le 2 au cinéma. Et je trouvais que c'était exactement la même chose. Je trouvais que moi, c'est moi, j'ai vraiment eu du mal avec. J'ai vraiment du mal avec Sin City. C'est graphiquement ou vis-à-vis de l'histoire? Bah, en fait, j'aime bien le côté un peu pulp du truc, donc histoire décousue, voilà, dans un univers très marqué, années 30, années 50, entre les 30 et années 50. Le souci, moi, c'est vraiment la patte visuelle que. En fait, c'est ça, c'est un peu ça le problème quand je disais que c'était fauché, qu'il veut toujours faire du. Là, il a un potentiel de fou pour faire un truc qui a de la gueule en adaptation de BD. Là, c'est chum! Alors, Oh! le 1 a vraiment mal vieilli pour le coup, je te Ouais. l'accorde, mais par contre, le 2 visuellement, il est quand même Enfin, vachement plus tu beau. vois, moi, j'ai vraiment celui-là, j'ai eu le flashback, tu vois, ça fait un peu flashback de guerre, tu vois. C'est le personnage de Nick Stahl, là, ce petit bonhomme, le petit bonhomme jaune, c'est pas, il est pas aussi gentil qu'Homer Simpson, Et il est jaune comme ça, aussi vraiment, dans la de façon BD. aussi crue dans le roman graphique. Et justement, pour le coup, on parlait justement d'adaptation, et là, graphiquement, l'adaptation, enfin, elle est vraiment très chouette, parce que le trait de Frank Miller et sa façon justement d'aborder le contraste, parce que enfin, on est vraiment dans du noir et blanc, quoi. C'est, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de zones de gris. Bah, c'est assez fantastique, et justement, cinématographiquement parlant, je pense que c'est complexe à adapter. Et là, justement, c'est ce que je regrettais avant qu'on vienne ici, c'est qu'en fait, j'aurais bien aimé au moins prendre le tome 1 pour vous donner l'occasion de le feuilleter et voir justement le travail graphique dans le sens, le travail de la ligne, juste, qui est pas forcément facilement adaptable, je pense, Peut-être en au film cinéma. d'animation. En anime, ouais, en Ouais. anime carrément, mais justement, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Enfin, quand j'ai vu le premier film, je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Enfin, c'est vraiment au moment où je me disais que la BD c'était trop cool et tout. Enfin, vraiment, j'avais un intérêt de plus en plus grandissant pour la bande dessinée en général, hein, donc roman graphique inclus. Et donc, vraiment, je me suis dit, mais c'est super top, c'est vachement bien. Et puis, il y a eu. Super top, c'est vachement bien. Waouh! On dirait une chanson de la Starac, Je quoi. suis née en 1990, bonsoir! Et donc, du coup, ouais, le 2, bah le 2, oui, après, bon, peut-être que finalement, c'est aussi pas très objectif de ma part, enfin, vraiment, que Oh, j'aime, je l'aime de façon c'est ce qu'on me demande, très c'est ton avis. subjective, mais après, voilà, moi, je l'apprécie beaucoup et tout, je le L'art, c'est caste, je suis subjectif. contente. Et ouais, il y a toujours ces histoires, justement, un peu décousues, mais qui se réunissent de temps en temps, parce qu'il y a quelques personnages entre deux histoires qui peuvent se connaître, qui me plaît pas mal, parce qu'au final, c'est pas tant d'enjeux. Tu vois, c'est juste un petit clin d'œil sympa que tel ou tel personnage se connaît alors qu'à la base ils sont pas de la même histoire. Mais c'est pas un enjeu de fou et ça va très bien comme ça. Donc ouais, Sin City, moi je. Voilà, j'adore. Eh ben J'adhère. super. Et toi alors, Jade, Et parle-nous de toi, Sharkboy et Jade? Lavagirl. J'allais en parler, Oui! j'allais dire, bah Spy Kids, of course. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur Sharkboy et Lavagirl de plus, à Un part requin aller voir ce garçon film. et une fille là. Allez regarder Sharkboy et Lavagirl si vous connaissez pas, franchement c'est fun. C'est trop du C'est tout ballon. ce que j'ai à dire. C'est Décidément, trop c'est de vraiment la balle. l'émission Et allez voir super. Spy Kids évidemment, mais j'espère qu'on fera un hors-série sur Spy Kids parce que j'ai envie, et parce qu'on a envie, et parce que j'espère que vous avez envie Oui, surtout. mais j'espère que vous Mais. avez aimé cette émission spéciale Expression des années 90, parce qu'on en a d'autres, hein, si je vous le C'est clair, et Picsou Magazine et tout. Attends, on était au taquet. Hein. Bah voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mieux Robert Rodriguez, et vous pouvez vous la péter en faisant votre intello cinéphile qui connaît un peu la bio et la filmo du réel de Alita et de Spy Kids. Est-ce que vous recommandez Alita? En espérant qu'il soit encore en salle quand on sort cet épisode, parce Oui, qu'on est un peu en retard. il est encore. Alors il est encore en salle, il a son petit succès. Oui, allez voir Alita. Moi, je pense que oui, ça vaut le coup de le regarder, et qu'on aime ou pas Gunn, qu'on connaisse ou pas Gunn, parce que justement, enfin, comme ce que tu disais, je pense que c'est une belle porte d'entrée Ouais. pour aborder le support de base. Le matériau de base. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un problème à l'enregistrement et ça a coupé la fin, mais c'est pas grave parce que il restait juste mon avis où je disais que le film était cool. Peut-être allez le voir si vous avez envie de passer un bon moment, mais surtout, je vous recommandais de vous intéresser au matériau de base, donc c'est-à-dire le manga et l'anime et ou le film qui regroupe l'anime en un seul film, si j'ai bien compris. Le film d'animation, hein, pas Alita Battle Angel. On se disait ensuite au revoir. Je vous proposais de nous suivre potentiellement sur Twitter et Facebook @5p42, de nous suivre sur iTunes et peut-être nous laisser un avis, ce serait sympa. Et vous pouvez aussi nous suivre sur toute autre plateforme de podcast qui existe. Et on se disait ensuite au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.